Moi m'y connais ti fille là, dans le temps li te yem un petit garçon. Ti garçon te yem pas li, à stes ordi y quoi de yem. Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista. Piriye pou, ese, ese, ese bye. Ese, ese, ese bye. Ese, ese, ese bye. Ese, ese, ese bye. Tantalité moche. Sorti dit les roses, poulet en mal, il voit la vie en rose. Modalo ou os, renie comme si n'a l'autre cause. Un, où t'imagines pas son avenir. Un, le retour de flamme de l'avenir. Un, pour remailler et revenir. C'est bye, écrase à ou à terre, mon mir. Moi m'y connais ti fille là, dans le temps li te yem un petit garçon. Ti garçon te yem pas li, à stes ordi, y quoi de yeli. Hasta la vista. Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista. Piriye pou, ese, ese, ese bye. Ese, ese, ese bye. Ese, ese, ese bye. Ese, ese, ese bye. Bien pas ma yali dans son la. Dans ton temo kata lili te vilain. Aste lili belle, lina gros BM. Pendant que ou devant télé pour bobo bo BN. Momo la diel. Apprends bien l'école, parce que petit garçon va faire souffre à elle. Moi m'y connais ti fille là, dans le temps li te yem un petit garçon. Ti garçon te yem pas li, à stes ordi y quoi de yeli. Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista. Piriye pou, ese, ese, ese bye. Ese, ese. Ese bye, ese, ese, ese bye. Ese, ese, ese bye. Avant t'y fil à tes flammes pas. Zodi ya ou même premier pour quoi des ça. As 24 ou texte salé des siesta. A l'église, allez hop, avouke ou y'aime ça. Aste ou regrette, mais dans l'homme m'a pas dit ya ou fait le vedette. Aste ou assume à l'éguette. Vote pas pour que Zodi c'est où qu'elle y rejette la roue. Il tourne mon dallon et c'est où il pète ta tête. Moi m'y connais t'y fil là. Dans le temps li te y'aime un petit garçon. T'y garçon te y'aime pas li. Aste Zodi y quoi de yeli. Hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista. Piriye pou, ese, ese, ese bye. Ese, ese, ese bye. Ese, ese, ese bye. Ese, ese, ese bye. Ouse.